Le troisième avis maintenant. Le troisième avis, il détaille. Ils disent, un sommeil court n'annule pas les ablutions, mais un sommeil long annule les ablutions. Il détaille. D'accord? C'est, il concilie entre les deux autres avis. Et ça, c'est l'avis de l'Jumhur, de la foule des savants, c'est l'avis de l'imam Zuhri, de l'imam Al-Awza'i, de l'imam Malik, Ahmed dans l'une de ses versions, et certains Hanafites. Leurs arguments, c'est le hadith selon Abu Huraira, que les ablutions ne sont obligatoires, pour celui qui a une vraie part de sommeil. Innama al-wudu'u 'ala man istahaqqa an-nawm. Hadith de Abu Huraira qui dit les ablutions sont obligatoires pour celui qui a eu une vraie part de sommeil. Ça veut dire il a vraiment bien dormi. Il se base sur ce dalil là. Ce hadith-là qui est rapporté par Al-Bayhaqi, c'est un hadith marfou'. Ça veut dire que ce n'est pas le texte de Abu Huraira, mais il a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même que le wudu' est obligatoire pour celui qui a eu une vraie part du sommeil. D'accord? Donc, ils disent que c'est un hadith rapporté par Al-Bayhaqi marfou'. Mais le Bayhaqi il a dit que c'est un hadith qui n'est pas authentique et la version manquouf qui s'arrête à Abu Huraira est authentique. Ils disent que c'est plutôt l'avis de Abu Huraira et non pas la parole de du prophète sallam. De même Daraqutni dans ses ilal, il a dit le manquouf est plus authentique. Ça veut dire que cette parole a été dite, c'est l'avis de Abu Huraira non pas la parole du prophète sallam. Et il se base sur le hadith selon Ali radiyallahu anhu. Et selon Muawiyah, que le professeur sallam a dit, les yeux ouverts, l'œil maîtrise ses sphincters. Si les yeux s'alourdissent, l'homme perd cette maîtrise. Rapporté par Ahmed al-Tabarani, qui ajouta, s'il s'endort, qu'il refasse ses ablutions. D'accord? Donc ça veut dire, ils disent que al-aynani wika usah. Ça veut dire que les yeux ouverts, la personne se maîtrise. D'accord? Et il se base sur ce hadith-là. Hadith de Muawiyah et le hadith de Ali. Le hadith de Ali, il dit l'œil ouvert signe que l'homme maîtrise ses sphincters, s'il s'endort, qu'il refasse ses ablutions. Ça, c'est le hadith de Ali. S'il s'endort, qu'il refasse ses ablutions. D'accord? Ça, c'est l'avis, ça, c'est l'argument de ceux qui détaillent. Ils disent un. Il se peut que la personne somnole, il ouvre, il ferme les yeux, mais si la personne s'endort et que c'est vraiment ses yeux s'alourdissent, il perd la maîtrise de ses sphincters et il peut dégager un gaz, il peut perdre cette maîtrise-là. Donc, ils ont dit, ces savants qui ont adopté cet avis-là, ils ont dit que le sommeil en lui-même n'annule pas les ablutions. Ça, c'est une remarque très importante. Le sommeil en lui-même n'annule pas les ablutions. Mais c'est un moment où l'annulation des ablutions est fort probable. D'accord? Le sommeil en lui-même, ça ne rentre pas dans nawaqid al-wudu'. C'est pas en lui-même. C'est juste un état où l'homme est susceptible de ne plus maîtriser ses sphincters ou de ne plus se contrôler. Et donc, il se peut que ces ablutions s'annulent pendant ce sommeil-là. D'accord? مظنت نقد الوضوء. النوم مظنت نقد الوضوء وليست من نواقض الوضوء. Le sommeil, c'est un moment où c'est susceptible à l'homme d'annuler ses ablutions. Mais le sommeil n'annule pas en lui-même les ablutions. D'accord? C'est une règle. Et c'est une voie qui est efficace pour faire la corrélation entre tous ces arguments-là. Les hadiths où les compagnons, on était obligés de les réveiller pour qu'ils fassent la prière, où ils somnolaient, où leur tête penchée. Et les hadiths où le prophète sallam a dit que la personne, que la personne, s'il a les yeux ouverts, il se contrôle et que si ses yeux s'alourdissent, qu'il refasse ses ablutions. Donc, pour réunir ces hadiths-là, on dit voilà, qu'il y a un état du sommeil où la personne est susceptible que ses ablutions s'annulent. Ça, c'est le troisième avis. Le quatrième avis, celui qui dort tout en gardant la position assise n'annule pas les ablutions, tandis que celui qui met un côté par terre annule les ablutions. C'est cet avis-là, ceux qui ont adopté cet avis-là, ils disent, si la personne est toujours assise, ses ablutions sont toujours bonnes, ça n'annule pas. Mais s'il met un côté par terre, ses ablutions s'annulent. Et c'est le dernier avis de Shafi'i et d'Ibn al-Mubarak. On dit le dernier parce que des fois, un savant, il peut adopter un avis, mais après sa recherche, il voit qu'il penche vers le contraire de ce qu'il a pensé au début. Et c'est pour ça qu'on dit, il y a deux versions de l'imam Ahmed, il y a trois versions de l'imam Malik, il y a l'ancien avis et le nouveau avis. D'accord? Donc ça, c'est le dernier avis de l'imam Shafi'i. Il dit, celui qui est assis, ses ablutions sont toujours bonnes, même s'il s'endort. Et celui qui met à côté par terre, ses ablutions s'annulent. Et ils disent que celui qui se maintient en position assise, il se maîtrise toujours. Par contre, que celui qui touche son côté, touche par terre, ses ablutions, forte chance qu'il s'annule. Ça, c'est un avis. Le cinquième avis, le sommeil de celui qui est en position de recours, inclination, ou de sujoud, prosternation, n'annule pas les ablutions, contrairement aux autres positions. Ils disent, celui qui dort dans le recours ou dans son sujoud, ses ablutions ne s'annulent pas. Et ils ont des arguments. Ils ont, comme argument, ils ont dit que le prophète sallam aurait dit, je le mets au conditionnel, aurait dit, si le serviteur s'endort lors de sa prosternation, Allah le vantera au milieu de ses anges. Ça veut dire tellement il fait l'effort il fait l'effort de prier et tout, au point de dormir en état de prosternation, Allah il le vante dans le Mal'a'la au milieu des anges. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bayhaqi selon Anas. Et il est rapporté par Imam Ibn Shahin selon Abu Huraira et Abu Sa'id Al-Khudri. Et toutes les chaînes de ce hadith sont faibles. Toutes les chaînes, Asanid, hadith, ils sont faibles. Et ils se sont basés aussi sur le hadith de selon Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un de vous somnole en faisant sa prière, qu'il aille se coucher jusqu'à ce qu'il n'ait plus sommeil, car s'il continue avec cet état, il risque de se maudire au lieu d'implorer le pardon d'Allah. C'est un hadith dans le Bukhari et Muslim. Si la personne est somnole pendant la prière, ben, qu'il aille s'endormir et se réveiller en bonne forme après pour prier. Parce que l'illa, le motif, il se peut qu'il va implorer Allah et il va se maudire parce qu'il est en état d'inconscience. Donc ils ont dit que ce hadith, il démontre que le sommeil en position de recours et de prosternation n'annule pas les ablutions. Parce que la prière, elle reste bonne. La personne, il continue jusqu'à la fin de la prière et il va s'endormir. Si le recours et le sujoud annulent les ablutions, le hadith n'aurait pas ce style-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit de quitter carrément, de sortir de cette prière. Il y aurait obligation qu'il sorte de la prière carrément. Si les ablutions s'annulent juste parce qu'il s'est endormi dans l'état de recours et de sujoud, on trouverait que le prophète va obliger cette personne-là à sortir carrément de la prière. Mais là, il n'y a aucune preuve que le prophète a dit qu'il doit sortir de la prière, il a dit qu'il aille se coucher. Ça, c'est une argumentation de ces savants-là. Ils disent, en état de sujoud, de recours, les ablutions ne s'annulent pas. Et il y a d'autres avis. Mais, bon, le plus vraisemblable, et ça c'est clair, que le sommeil n'est pas un acte qui annule les ablutions en lui-même. D'accord? Mais c'est un état dans lequel l'annulation des ablutions est fort probable. C'est clair, ça. Et le hadith dans lequel Ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam somnolait au point que j'entendais ses ronflements, puis lorsqu'il se réveilla, il pria sans refaire d'ablution. Donc, comme a dit Ibn Taymiyyah, mais ça c'est vraiment, il faut un peu réfléchir, il faut utiliser un peu la raison. Il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, si le sommeil était un état qui annule en lui-même les ablutions, il n'y aurait pas de différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres gens. Alors là, il faut vraiment réfléchir. Et ça, c'est une remarque des savants érudits. Ça, il l'a mentionné dans ses fatwas, rahimahullah. Il dit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comme privilège que ses yeux dorment et son cœur ne dort pas. Comme dans le hadith rapporté par le Bukhari, ses yeux dormaient alors que son cœur reste toujours éveillé. Le hadith, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait, des anges sont venus à lui. Les uns ont dit il dormait, les autres ont dit son nez dormait, mais son cœur reste éveillé. Hadith rapporté par le Bukhari. Donc on conclut que lui contrôle ses sens alors que nous, dans notre sommeil, on risque d'annuler nos ablutions. Vous avez compris un peu le raisonnement? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses yeux dorment mais son cœur ne dort pas. Donc il se contrôle plus que nous. Mais si le sommeil annule en lui-même les ablutions, l'urine, il annule en lui-même les ablutions ou non? Donc pas de différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres gens. D'accord? Mais là il a un privilège, c'est qu'il se contrôle. D'accord? Et s'il se contrôle, tout en dormant, il se contrôle, il contrôle ses sens. Donc, ça c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que son œil dormait, mais son cœur ne dort pas. Donc il se contrôle mieux que nous, dans l'état de sommeil. Quand vous rentrez chez vous, essayez de bien raisonner là-dessus. D'accord? Le commun des gens, ils ne se contrôlent pas, ils n'ont pas le degré de la force du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas son degré dans l'état de conscience et le degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le plus proche des arguments, c'est que si quelqu'un plonge dans un sommeil profond au point que s'il annule ses ablutions, il n'en est pas conscient. D'accord? Le plus proche des dalils, c'est que si quelqu'un plonge dans un sommeil profond, où il devient inconscient de ce qui l'entoure, des gens qui l'entourent, où il rêve, il est dans un autre monde, et s'il perd ses ablutions, il ne va pas en être conscient. Dans ce cas-là, ce sommeil profond est une cause que nous prouve que ces ablutions s'annulent. D'accord? Que s'il plonge dans ce sommeil profond, c'est fort probable, on ne dit pas que c'est sûr, c'est fort probable que ses ablutions s'annulent. D'accord? Donc le plus proche des dalils, c'est ça. C'est faire la différence entre le sommeil profond et le sommeil léger. D'accord? Donc le sommeil désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Safwan ibn Assal, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il est autorisé de garder les chaussures, les khuffain, en cas de défécation, en cas d'urine, en cas du sommeil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de quel sommeil il parle? Il parle du sommeil profond. D'accord? Mais si quelqu'un somnole, il est conscient de ce qui l'entoure, il est conscient au point que s'il perd les ablutions, il s'en rendra compte. Donc ça, c'est un sommeil qui n'annule pas les ablutions. La preuve, les compagnons. Les compagnons, leur tête, ils penchaient à droite, à gauche, des fois ils mettaient le côté par terre, mais ils sont conscients de ce qui les entoure. D'accord? Donc il faut, c'est ça le plus proche des délits, il faut détailler. Un sommeil profond et le sommeil léger. Et peu importe la position de la personne, assis ou allongé. Parce qu'il se peut que la personne plonge dans un sommeil profond en marchant. Mais ça, on a des exemples clairs. Comment on appelle cette maladie? Oui. Et ça, c'est un sommeil profond. Il marche. On peut dire que ses ambitions sont annulées ou non? Oui, ses ambitions sont annulées s'il est dans cet état-là. Donc, peu importe la position. La position n'est pas vraiment le critérium qui fait la différence entre l'état de pureté et l'état d'impureté. D'accord? Donc, cet avis est le plus proche. Et il est en plus le plus proche de celui de l'Jumhur, de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i et d'autres savants. D'accord? Parce que eux, ils détaillent. Ils disent un sommeil profond, ils disent sommeil profond, il annule et l'autre sommeil, il n'annule pas. Et il est le plus proche des dalils. Et beaucoup de muhakkikins, de grands savants qui font l'analyse, qui font la jurisprudence comparative, ils ont adopté cet avis-là, y compris Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, Ibn Hajar al-Asqalani, les derniers, Ibn Baz, dans ses commentaires sur Fath al-Bari, et l'Albani aussi, il a adopté cet avis, l'Usaymin, il a adopté cet avis aussi, et d'autres savants ont adopté cet avis-là, et il est le proche des dalils. Bon, on a terminé ce hadith, on rentre maintenant, on va faire le hadith numéro 75, on va sauter du hadith 62, on va sauter du hadith 62 au hadith 75, puisque le hadith 62 parle du sommeil, et le hadith 75 parle aussi du sommeil. Donc on va les réunir. عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ selon معاوية رضي الله تعالى عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit réveiller l'homme maîtrise ses sphincters. C'est le hadith qu'on a dit tout à l'heure. Si les yeux s'alourdissent, l'homme perd cette maîtrise. Rapporté par Ahmed al-Tabarani qui ajouta que celui qui dort reprenne ses ablutions. D'accord? Hadith selon Muawiya ibn Sufyan. Lui et son père, ils ont embrassé l'islam après la prise de la Mecque. Et c'est l'un de ceux qui écrivent la révélation, des scribes, des secrétaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar l'a désigné comme gouverneur au Cham, en Syrie. Et il est resté gouverneur au Cham pendant 40 ans, d'accord? Et par la suite, il est devenu le calife des croyants quand Al-Hassan, il a cédé le pouvoir à lui en l'année 40 de l'Hégire. Donc, hadith de Muawiya, source de hadith, ce hadith l'a rapporté, comme on a dit tout à l'heure, par Abu Daoud, d'accord? Et par Ahmed et Tabarani. Et il est également rapporté par Dharqutni. Ce hadith a deux défections. Ce hadith est dans sa chaîne est malade. Il a deux défections. La première, c'est que dans sa chaîne des rapporteurs, il y a un homme, Yalwalid ibn Muslim, qui est mudallis. Bon, mudallis, c'est quelqu'un qui fait comprendre qu'il a entendu le hadith d'un cheikh alors qu'il ne l'a pas entendu. Il fait comprendre aux autres qu'il a. Il dit par exemple, An Shu'ba, selon Shu'ba. Et la personne, quand il entend ça, il dit selon Shu'ba, il croit que cette personne, il a assisté, il a entendu Shu'ba dire ce hadith-là. Alors que c'est non. Soit il a fait sauter un intermédiaire, soit il a. Ou des choses comme ça. D'accord? Donc, le modèle, c'est celui qui fait comprendre aux gens qu'il a. Entendu le hadith qu'il a entendu le hadith d'une personne alors qu'il ne l'a pas vraiment entendu de lui. Il se peut qu'il l'a entendu d'une autre personne, d'un intermédiaire, soit involontairement, soit volontairement, soit pour beaucoup de raisons, Soit par exemple, il fait tomber le cheikh de qui il rapporte le hadith pour des raisons politiques, pour des raisons aussi, pour aussi authentifier le hadith, pour que les gens disent que ce hadith est authentique, parce que s'il évoque ce cheikh-là, les gens ils savent que ce cheikh il est daïf, il est faible, et donc on n'a pas à prendre ce hadith en considération. Donc ça c'est il y a différentes sortes de tadlis. Il y a différentes sortes de tadlis. Le tadlis, c'est le statut du tadlis, c'est les haram. Et ça, c'est la première défection. Il y a le Walid ibn Muslim, qui est quelqu'un qui n'est pas sûr. Et la deuxième, le Walid ibn Muslim, il a l'habitude de rapporter le hadith de Abu Bakr ibn Abi Maryam, qui est faible. Ce Walid ibn Muslim, d'habitude, il fréquente un cheikh. Il prend le hadith de lui, il prend le hadith de Abu Bakr ibn Marib. Et cet homme-là, il est faible. Ça veut dire qu'il n'a pas un grand degré de crédibilité parce que sa maison fut cambriolée, et y compris sa bibliothèque. Et là, quand sa bibliothèque fut cambriolée, il se basait sur sa mémoire. Avant, il se basait sur ce qu'il a écrit. Et quand il s'est basé sur sa mémoire, il mélangeait les hadiths. Et donc les savants, ils ont dit, attention, ne prenez pas le hadith de lui. Après le cambriolage de sa maison, il ne faut pas prendre, il faut se méfier. Donc ça, c'est le travail des grands savants pour authentifier ou affaiblir, infirmer ou confirmer un hadith. Et bon, il a deux défections, et c'est pour cela que les savants ont qualifié ce hadith de faible. Ibn Hajar l'a qualifié de faible, et Abu Hatim et d'autres savants. Le deuxième hadith, c'est presque le même hadith, le même texte. An Ali radiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ali, le quatrième calife. D'accord? Le quatrième calife, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier enfant à avoir embrassé l'islam. Le premier homme à avoir embrassé l'islam, c'est Abu Bakr, mais le premier enfant, c'est Ali radiyallahu ta'ala. An Ali radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-aynu wika'u sah, faman nama fal yatawadda. L'œil pour l'anus, c'est comme le cordon avec lequel on serre une bourse. Ça, je l'ai traduit un peu textuellement pour comprendre un peu le texte. Celui qui dort reprenne ses ablutions. Al-ayn, il contrôle l'anus, si vous voulez, ou les sphincters. Wika, ça veut dire c'est la corde avec quoi on noue la bourse. Si l'œil se ferme, le cordon il se relâche. Voilà textuellement comment est ce hadith là. Donc source du hadith, ce hadith il est rapporté par Abu Daoud. Donc celui selon Muawiya rapporté par Ahmad al-Tabarani. Mais c'est un hadith qui est daïf parce qu'il y a tel homme, etc. Et l'autre hadith de Ali radiyallahu anhu, il est rapporté par Abu Daoud. Et il est également rapporté par Ibn Majah, Dharqutni, Ahmed et d'autres. Et ce hadith-là, les savants ont divergé sur son authenticité. Abu Hatim et Ibn Hajar l'ont qualifié de faible. Ibn Abi Hatim, ça veut dire le fils de Abu Hatim, il a dit, j'ai interrogé mon père au sujet des hadiths de Ali et de Muawiyah. Et il a répondu qu'ils sont faibles. Et Ibn Hajar, après avoir mentionné ces deux hadiths, a dit, dans les deux chaînes de rapporteurs, il y a une défection. Et d'autres ont dit que le hadith de Ali est assez bon. Il est Hassan. Parmi lesquels, Al-Mundhiri. Parmi lesquels, Ibn Salah. Parmi lesquels, Nawawi. Et parmi les contemporains, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et voir Sahih Ibn Majah, 386. Tel que je l'ai vu dans Kitab al-Wajiz. Et donc ce hadith là, bon, finalement il est assez bon. Et d'autres savants ont dit même que le hadith de Muawiya il est assez bon puisqu'il se renforce par le hadith de Ali. Hassanun, ce qu'on dit, Hassanun li ghayrihi. Des fois un hadith il est faible, mais il a d'autres hadiths qui témoignent, qui sont des témoins, qui l'appuient. D'accord? Donc c'est un hadith qui est Hassan. Et c'est une preuve aussi comme quoi le sommeil n'annule pas en lui-même les ablutions, mais c'est un état si c'est que la personne est susceptible de perdre ses ablutions. ولي أبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا وفي إسناده ضعف أيضا. أبو داود il rapporte aussi selon ابن عباس مرفوع, ça veut dire que le hadith remonte au prophète صلى الله عليه وسلم, que le prophète صلى الله عليه وسلم aurait dit, bon je le laisse au conditionnel, les ablutions sont obligatoires pour celui qui dort allongé. Et dans sa chaîne, ابن حجر l'auteur de ce livre a dit, dans sa chaîne de rapporteurs, il y a défection aussi. Et bon, l'auteur, il a fait remarquer que la chaîne des rapporteurs, il comporte une défection. Abu Daoud, qui a lui-même rapporté ce hadith, par Abu Daoud, a dit que c'est un hadith munkar. Et munkar, c'est quoi? Munkar, c'est non seulement qu'il est faible, mais il contredit les hadiths authentiques. Munkar, des fois, des hadiths sont faibles, mais ils ne contredisent pas la base de la religion. Des fois, on trouve des hadiths sur sur le châtiment de la tombe, que la personne va subir 15 châtiments, comme le hadith qui est dans rapporté par dans Kitab al-Kaba'ir, ou d'autres hadiths. Quand le hadith est faible et il contredit la base de la religion, il contredit les autres hadith sahih, on dit qu'il est munkar. D'accord? Et le contraire du munkar, c'est le mahfouz. C'est la version retenue. Donc, il est faible. Il est très faible. Et sa défection est la suivante. Il n'y a que Yazid Abu Khalid Ad-Dalani qui l'a rapporté. Il n'y a qu'un homme, qu'un rapporteur dont... Et Abu Daoud, il raconte, il a dit que lorsque j'ai présenté ce hadith à l'imam Ahmed, il m'a grondé. Quand il a présenté ce hadith, il m'a grondé, il a dit Yazid. Il a dit Yazid, c'est un intrus parmi les élèves de Qatada. Aucun des élèves de Qatada n'a rapporté ce hadith-là. Et cet intrus, il vient, il dit, j'ai pris de Qatada ce hadith. D'accord? Donc ça, c'est les savants, comment ils analysent les chaînes de rapporteurs. Et Al-Bukhari a également qualifié ce hadith de faible. Comme nous l'a rapporté son élève, fidèle, Imam Tirmidhi, rahimahullah, dans Al-Ilal. L'ilal mufarada, et qui lui-même, Tirmidhi aussi, il a qualifié ce hadith de faible. Et Al-Bayhaqi a dit qu'il y a accord entre les Huffaz. Les Huffaz, c'est ceux qui collectent les hadiths, qui apprennent par cœur les hadiths. Il dit que ces Huffaz sont unanimes sur la faiblesse de hadith, ce hadith. Ibrahim al-Harbi l'a également qualifié de faible. Et on termine, inshallah, pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, continue Nawaqid al-Wudu. Subhanakallah wa bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.